Chapitre 3. Hôtel Lisbonne. 4 rue de Vaugirard, Hôtel Lisbonne, c'est au coin de la rue Monsieur le Prince. Je demande Monsieur Royani. Il n'y est pas. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous êtes de Nantes, peut-être? La concierge, qui est une gaillarde, me questionne brusquement et d'affilée. Je ne suis pas de Nantes, mais j'ai été au collège avec lui. Ah, vous avez été à Nantes? Vous connaissez Monsieur Matoussin? Monsieur Matoussin? Oui. Je lui conte mon histoire. C'est justement après Monsieur Matoussin que je cours depuis 5 heures du matin. En voilà un qui est drôle, hein? Il demeure en haut, à côté de Monsieur Royani, qui répond pour lui, vous sentez bien. Matoussin n'a pas le sou, c'est un pané, ça écrit. Les concierges m'ont l'air tous du même avis pour les écrivains. Et Matoussin est chez lui? Non, mais il ne ratera pas l'heure du dîner, allez. Vous le verrez rentrer avec sa canne de tambour-major et son chapeau de jardinier quand on sonnera la soupe. Je vois, en effet, au bout d'un instant, par la cage de l'escalier, monter un grand chapeau sous lequel on ne distingue personne. Les ailes se balancent comme celles d'un grand oiseau qui emporte un mouton dans les airs. « C'est toi ?»« Matoussin ! 20 traces !» Nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre et nous nous tenons enlacés. Nous sommes enlacés. Je n'ose pas lâcher le premier, de peur de paraître trop peu ému, et j'attends qu'il commence. Nous sommes comme deux lutteurs qui se tâtent, lutte de sensibilité, dans laquelle Matoussin l'emporte sur 20 traces. Matoussin connaît mieux que moi les traditions et sait combien de temps doivent durer les accolades. Quand il faut se relever, quand il faut se reprendre. Il y a longtemps que je crois avoir été assez ému, et Matoussin me tient encore très serré. À la fin, il me rend ma liberté. Nous nous repeignons et il me demande en 2 mots mon histoire. Je lui conte mes courses après Torchonnette. Il n'y a plus de Torchonnette. Celle que j'aime maintenant se nomme Angelina. Je vais t'introduire, suis-moi. Et il m'emmène devant Mademoiselle Angelina. Je te présente un frère. Un second frère, 20 traces, dont je t'ai parlé souvent, et qui vient rompre avec nous le pain de la gaieté. Se tournant vers moi, « Tu viens pour ça, n'est-ce pas ? » Notre avenir doit éclore au soleil de nos 20 ans. Aimons et chantons encore, la jeunesse n'a qu'un temps. Tous au refrain, hé, les autres ! Aimons et chantons encore, la jeunesse n'a qu'un temps. Angelina est une grande maigre, pâle, au nez pointu, mais aux lèvres fines. « Ah, tu sais, » dit-elle, après être allée au refrain, « le boulanger est venu et il a dit qu'il ne montrait plus de Giocco si on ne lui payait pas la dernière note. » « Et Royani ? » ?»« Royani, il est sorti pour voir si on voudrait lui prendre son pantalon au clou de la contrescarpe. On n'en a pas voulu au Condé. » Matoussin, qui vient d'accrocher son chapeau immense à une patère dans le mur, comme un grec accroche son bouclier, Matoussin se gratte le front. « Tu vois, frère, la misère nous poursuit. »« Frère ? Ah, c'est moi. Je n'y pensais plus. Je n'ai jamais eu de frère et je ne puis pas me faire à cette tendre appellation du premier coup. »« Mais dis donc, » fit-il en changeant de ton, « tu débarques ? Tu dois avoir de l'argent. Les arrivants ont toujours le sac. » Je dépose mon bilan. Angelina me regarde d'un air de mépris. « Et ça ? » dit Matoussin en se précipitant sur ce qui me suit et qu'on a pris tour à tour depuis ce matin pour un malade et pour un voleur. « Ça, ça peut se mettre au clou. » Angelina hausse les épaules jusqu'au plafond. « On peut le vendre toujours. Veux-tu le vendre ? Tiens-tu à cette jaunisse ?»« Non. Un nom hypocrite. Pauvre vieux paletot. Il est bien laid et il m'a valu aujourd'hui bien des humiliations. Mais j'étais habituée à lui comme à un meuble de notre maison. Il m'a tenue trop chaud et il était trop lourd sur mon bras toute cette après-midi. mais la nuit, il m'a empêché de grelotter. J'aurai encore des nuits froides dans la vie. Les hivers qui viendront, il pourrait me servir de couverture si mon lit n'en a qu'une. Puis, il a été sur le dos de mon père, le professeur, avant de m'être abandonné. Les élèves en ont ri, mais c'était une gaieté d'enfant. Ce n'était pas la brutalité d'une vente au rabais, ni la mise à l'encan d'une vieille chose, qui, toute ridicule qu'elle fût, avait son odeur de relique. Cela n'a duré qu'un instant. C'est bien mauvais signe si j'ai de ces sensibilités-là à l'entrée de la carrière. Psst, psst, oh, hé, marchand d'habits! Le marchand d'habits est monté et nous a donné 40 sous de la relique. Ces 40 sous, ajoutés aux 8 sous qui me restent, apportent la gaieté dans la mansarde. Du pain, 1 litre et des côtelettes à la sauce. Il y a tout cela dans nos 48 sous. C'est moi qui irai commander. Je dirais « des côtelettes avec beaucoup de cornichons ». Et quand le garçon viendra avec la boîte en fer blanc, je lui donnerai 2 sous de pourboire. Je lui donnerai même 3 sous au lieu de 2. J'ai le droit de faire des folies au péril de mon avenir. Nous avons bien dîné, ma foi. On a tiré au sort à qui aurait la dernière rondelle de cornichons. On a trouvé encore de quoi acheter un gros pain, de quoi prendre son café. Et l'on a braillé, ri et chanté jusqu'à ce qu'Angelina ait dit qu'il était temps de chercher où me coller pour la nuit. La concierge, à qui l'on a parlé de l'affaire Truchet, me logerait bien s'il y avait de la place et me ferait crédit d'une demi-semaine. Mais tout est pris. Elle se rappelle, heureusement, que les Riffaut lui ont parlé d'un cabinet qui est libre. Les Riffaut tiennent un hôtel rue Dauphine, 6, près du Café Conti. Elle écrit, avec son orthographe de portière, un mot pour les Riffaut qu'elle connaît et qui ont été concierges, comme elle, avant de s'établir. Avec ce mot, gras comme les doigts du charcutier qui a vendu les côtelettes, je vais en compagnie de ma Toussaint, rue Dauphine. Et quoi qu'il soit minuit, on m'ouvre et l'on me conduit au cabinet libre. J'y arrive par une espèce d'échelle à marche pourrie qui a pour rampe une corde moisie et graisseuse. Au sommet, entre 4 cloisons, une chaise dépaillée, une table cagneuse, un lit tout bas, en bois rouge, recouvert d'une couverture de laine poudreuse. Poudreuse comme quand la laine était sur le dos du mouton. L'air ébranle la fenêtre disjointe et passe par un carreau brisé. Ma Toussaint lui-même semble effrayé. Il a failli se casser les reins en descendant l'échelle. « Tu es tombé ?»« Non. » Mais je sais que ma Toussaint n'aime pas à avouer qu'il est tombé. Et il riait toujours, bien jaune, quand il lui arrivait de prendre un billet de parterre au collège. Il disait que c'était exprès. « Je suis chez moi. Ce cabinet est misérable, mais je n'ouvrirai cette porte qu'à qui il me plaira. Je la fermerai au nez de qui je voudrais. J'écraserai dans la charnière les doigts de ceux qui refuseraient de filer. Je ferai rouler au bas de cette échelle le premier qui m'insulterait. Dussé-je rouler avec lui si je ne suis pas le plus fort ? Ce qui est possible, mais on dégringolerait tous les deux. Je suis chez moi. Je rôde là-dedans comme un ours en frottant les murs. Je suis chez moi. Je le crierai. Je suis forcée de mettre ma main sur ma bouche pour arrêter ce hurlement d'animal. Il y a 2 heures que je savoure cette émotion. Je finis par m'étendre sur mon lit maigre et par les carreaux fêlés, je regarde le ciel. Je l'emplis de mes rêves. J'y loge mes espoirs. Je le raille de mes craintes. Il me semble que mon cœur, comme un oiseau, plane et bat dans l'espace. Puis c'est le sommeil qui vient, le songe qui flotte dans mon cerveau dévadé. À la fin, mes yeux se ferment et je m'endors tout habillé, comme s'endort le soldat en campagne. Le matin, au réveil, ma joie a été aussi grande que la veille. Il venait justement un soleil tout clair d'un ciel tout bleu, et des bandes d'or rayaient ma couverture terne. Dans la maison, une femme chantait, des oiseaux piaillaient à ma fenêtre. On m'a fait cadeau d'une fleur, c'est la petite Riffo à qui l'on avait donné plein son tablier d'œillets rouges et qui, voyant ma porte ouverte, m'a crié du bas de l'échelle « Veux-tu un œillet, monsieur ?» Je l'ai mis dans un gros verre qui traînait sur la table boiteuse. C'eût été une fiole de mousseline, une coupe de cristal, que j'aurais été moins heureux. Dans le fond de ce verre, je relisais les pages de ma vie de campagne et j'entendais vibrer des refrains d'auberge. On avait de ces gros verres-là dans les cabarets de la Haute-Loire. Quand je quitte la maison Ruffo, lorsque je sors de cet hôtel, ce chez-moi, je trouve la rue bourrée, pleine de monde et pleine de vie. Je regarde l'heure dans une boutique, 2 heures. Je me suis réveillée à 8, j'ai entendu l'horloge. Mais depuis lors, le bruit des horloges a été couvert par le bourdonnement de mes pensées et de mes rêves. J'arrive chez ma Toussaint. On me croyait mort ou reparti, on ne savait que penser. « Qu'as-tu fait tout ce temps-là ? Et tu n'as pas faim ?» Non. Et c'est vrai, je n'ai pas faim. Une fièvre de liberté nouvelle m'a nourrie et soutenue. Je consens pourtant à rompre le pain béni de la gaieté, si pain il y a. Il n'y a pas que la gaieté et l'appétit. Mais Truchet est peut-être revenu. Allons voir Truchet. Comme Mercadet dit, allons voir Godot. Truchet est peut-être revenu. Il a peut-être retrouvé le postillon. Il y a peut-être 40 francs qui attendent aux messageries. 40 francs, et ici nous n'avons pas de pain. On reste pourtant jusqu'au soir dans le quartier, parce qu'il y a quelqu'un qui doit apporter 5 francs. On atteint la nuit en l'attendant. On est allé voir si Truchet était de retour. Dans 3 jours. Comment on a fait pour manger ces 3 jours-ci ? Je ne sais pas, mais on a mangé. Seulement, il a fallu du temps pour trouver. C'est un travail comme un autre de recueillir son dîner dans la bohème et qui finit par être payé comme tout travail. Mais on ne peut faire autre chose et l'estomac ne passe à la caisse qu'à des heures irrégulières. La vie de nous tous passe à cela. Et il a fallu courir, engager, emprunter. Ce n'est pas assez pour moi. Et déjà, je souffre de ce tapage en l'air, de ces courses pour du saucisson, de ces haltes devant les bocaux de prunes. Je souffre de plus, encore, et je n'ose leur dire. Il me semble qu'on ressemble un peu à des mendiants sur notre carré. Enfin, j'ai touché mon argent. Monsieur Truchet est revenu. J'ai gardé 6 francs pour les Riffo. Mon chez-moi me coûte 6 francs. Il faut ce qu'il faut. J'ai donné le reste à Angelina pour la peau-bouille. Dès le premier jour, on a détourné de la caisse à peau-bouille 6 autres francs pour aller au théâtre. Après un bon dîner, on est descendu sur la porte Saint-Martin où se joue la pièce qu'on veut voir. La misère, par Monsieur Ferdinand Duguay. On boit en route et ma Toussaint est très lancée. Le rideau se lève. Le héros, c'est l'acteur Munier, arrive avec un pistolet sur la scène. Il hésite. Faut-il vivre honnête ou assassiné ? Sera-ce la vie bourgeoise ou l'échafaud ? Ma Toussaint crie « L'échafaud ! L'échafaud !» Les 40 francs y ont passé. On s'est bien amusé pendant 10 jours et je n'ai pas songé une minute au moment où l'on n'aurait plus le sou. Ce moment est arrivé. Il ne reste pas 50 centimes à partager entre l'hôtel Lisbonne et l'hôtel Riffo. Je viens de remonter mon échelle, de fermer ma porte. Je n'ai mangé que du bout des dents à dîner, il y avait trop peu. Mais j'ai acheté un quignon de pain bis pour le croquer dans mon taudis. Il n'est que 8 heures. La soirée sera longue dans ce trou, mais j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'entendre ce que je pense, au lieu de brailler et d'écouter brailler, comme je fais depuis 8 jours. Je vis pour les autres depuis que je suis là. Il ne me reste le soir qu'un murmure dans les oreilles, et la langue me fait mal à force d'avoir parlé. Elle me brûle, elle me pèle à force d'avoir fumé. Ce verre d'eau, tiré de ma carafe trouble, me plaît plus que le café noir de l'hôtel Lisbonne. Mes idées sont fraîches, je vois clair devant moi. Oh, très clair. C'est la misère demain. Ma Toussaint assure que ce n'est rien. Est-ce que Chonard, Rodolphe, Marcel n'en ont pas de la misère? Et est-ce qu'ils ne s'amusent pas comme des fous en ayant des maîtresses, en faisant des vers, en dînant sur l'herbe, en se moquant des bourgeois? Je n'ai pas encore dîné sur l'herbe. Je n'ai presque pas dîné même, pour bien dire. Pauvre mère Vintras, elle m'a prédit que je regretterais son pot-au-feu. Peut-être bien. Je lui ai écrit pour lui annoncer mon installation à l'hôtel Riffaut, dans une chambre très propre. J'avais ajouté que j'avais fait connaissance de gens qui pourraient m'être très utiles. Je veux parler de ma Toussaint, d'Angelina, de Royani. Ils m'ont été utiles, en effet, pour le paletot jaune, et ils peuvent me donner l'adresse de tous les monde-piété du quartier. Ma mère m'a répondu. Il tombe de sa lettre un papier rouge. « Bon pour 40 francs », écrit en travers. C'est un mandat de poste. Un mot joint au mandat. « Ton père t'enverra 40 francs tous les mois. »« 40 francs tous les mois ? » Je n'y comptais pas. Je croyais que les 40 francs du père Truchet étaient 40 francs une fois pour toutes. 40 francs ? On peut payer son loyer, acheter bien du pain et des côtelettes à la sauce, et même aller voir la misère à la porte Saint-Martin avec 40 francs par mois. J'ai eu de l'émotion en présentant mon mandat rouge à la poste. J'avais peur qu'on me prît pour un faussaire. Non, j'ai reçu 8 belles pièces de 5 francs. Je les ai emportées dans mon grenier et toute la journée j'ai fait des comptes. J'ai établi mon bilan. Dépenses indispensables. Francs, cent. Capital mensuel, francs, cent. Tabac, 4, 50, 40, 00. Journaux, 1, 50. Cabinet de lecture, 3, 00. Chandelle, 1,50. Blanchissage, 1,00. Savon de Marseille, 0,20. Entretien, fil, aiguille, 0,10. Chambre, 6,00. Total, 17,80. 17,80. Reste, 22,20. Nourriture, amitié. Demi-viande, 0,20. Deux pains, 0,10. Le soir, demi-viande, 0,20. Légumes, 0,10. Deux pains, 0,10. 0,70, total par jour. 30 fois 70 ans, égale 21 francs. 21,00, reste pour dépenses imprévues. 1,20. Revoyons cela. Tabac. 3 sous à fumer par jour. Journaux, Le Peuple, de Proudhon, tous les matins. Cabinet de lecture. Si je rayais cet article, ce ne serait pas seulement 3 francs, ce serait 4 francs 50 cents que j'économiserais, puisque je compte 30 sous de chandelle pour pouvoir lire en rentrant chez moi les ouvrages de location. Mais non, c'est là le plus clair de ma joie, le plus beau de ma liberté. Sauter sur les volumes défendus au collège, romans d'amour, poésie du peuple, histoire de la Révolution. Je préférerais ne boire que de l'eau et m'abonner chez Barbe d'Or ou chez Bloss. Blanchissage. Mon blanchissage de gros ne me coûtera rien. Tous les 10 jours, je confierai mon linge au conducteur de la diligence de Nantes, qui se charge de le remettre sale à ma mère et de le rapporter propre à son fils. Mais je consacre 1 franc à mes faux cols. Je voudrais qu'ils ne me fissent qu'une fois. Mes parents voudraient 2. 20 sous pour le fin, ce n'est pas trop. Entretien. Je puis me raccommoder avec un sou de fil et un sou d'aiguille. Chambre. C'est 6 francs. Nourriture. 21 francs. C'est assez. Il me reste 1 franc 25 centimes pour dépenses imprévues. Il faut toujours laisser quelque chose pour les dépenses imprévues. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'étouffe de joie. J'ai besoin de boire de l'air et de fixer Paris. Je tends le cou vers la croisée. Je la croyais ouverte. Elle était fermée et je casse un carreau. Comme j'ai bien fait d'ouvrir un compte pour le casuel. Je suis allée changer mes pièces de 100 sous pour faire des petits tas, sur lesquels je pose une étiquette. Tabac, savon de Marseille, entretien. Il faut de l'ordre, pas de virement. J'ai filé chez Barbe d'Or, passage du Pont-Neuf. C'est lui qui a le plus de pièces et de romans. Je veux un abonnement. C'est 3 francs. Les voilà. Et 100 sous pour le dépôt. Malheureux, je n'avais pas songé au dépôt. J'ai dû balbutier, me retirer. Faut-il remonter chez moi et prendre sur les autres tas? J'entrerai là dans une voie trop périlleuse. Mieux vaut attendre et tâcher d'amasser pour ce petit cautionnement. Ces 100 sous me firent bien faute. Je dus vivre sur mon propre fonds, pendant que les autres, qui avaient 100 sous de dépôt, avaient à leur disposition tous les bons livres. Il est vrai que j'eus 3 francs de plus à consacrer à ma nourriture ou à mes plaisirs. J'économisais aussi sur la chandelle. Mais je ne pénétrai dans la littérature contemporaine que tard, faute de ce premier capital.